je jette un œil au quotidien, l'autre surnage dans le potage, vaille que vaille, tous les matins, je jette un œil au quotidien, des fois les deux quand je me sens bien, et le troisième aussi, mais pas souvent, aux chiens errants, aux fous et aux enfants. Je me rase les dents tous les matins, peut-être que si je les laissais pousser, j'oublierai d'avoir du chaleur chaque fois que j'allume la télé. Oh la télé, je me brosse les joues avant de dormir, tout en chatouillant mon martyr. Je prête une oreille attentive, l'autre avant de gog, quand je vais au gog, y'a des infos à la galerie. Je prête une oreille attentive quand les médias font la lessive et nous font croire que tout arrive enfin, c'est pour demain, mais pas vraiment certain. Je m'embrasse les joues avant de dormir, peut-être que si je me mettais des claques, j'aurais moins de goût pour le martyr chaque fois que les journaux m'arnaquent. Comme ils m'arnaquent. Peut-être moins con.